Et pour finir cette introduction, l'auteur nous dit, Abu Abdillah Ahmed ibn al-Hassan ibn Abdel Jabbar al-Soufi nous a rapporté, selon Shuja' ibn Makhlad, selon Abu Muawiyah al-Darir, selon Abdelrab ibn Ayman, que Atta a dit, certes le Coran est enseignement. Imam al-Ajuri dit par la suite, avant de citer les comportements des gens du Coran et les manières qu'ils se doivent d'avoir, je cite le mérite des porteurs du Coran afin de les encourager à le réciter, à le mettre en pratique et à être humbles envers ceux auprès de qui ils l'ont étudié ou à qui ils l'ont enseigné. Donc avec cela, walillah alhamd, nous avons terminé ces deux conférences intitulées « Les vertus du Coran » tirées de l'introduction « L'éthique des mémorisateurs du Coran » de l'imam Abu Bakr al-Ajurri. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce que nous avons écouté lors de ces deux conférences soit une preuve pour nous et non contre nous. Wallahu al-musta'an wa alayhi al-tuklan. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك